Chorro, chorro, chorro, chorro, barro, barro, barro, barro, cacharro, cacharro, cacharro, cacharro, barrica. Barrica, barrica, barrica. Serrucho, serrucho, serrucho, serrucho.